Par prudence, nous réfugiâmes tout de suite au second étage. On fit passer les filles les premières. Je m'entêtai à ne monter que le dernier. La maison était bâtie sur un tertre, au-dessus de la route. L'eau envahissait la cour, doucement, avec un petit bruit. Nous n'étions pas très effrayés. « Bah !» disait Jacques, pour rassurer son monde. « Ce ne sera rien. Vous rappelez mon père en 55 ? L'eau est comme ça venue dans la cour. Il y en a eu un pied, puis elle s'en est allée. » « C'est fâcheux pour le récolte tout de même !» murmura Cyprien, à demi-voix. « Non, non, ça ne sera rien !» repris-je à mon tour, en voyant les grands yeux suppliants de nos filles. Aimé avait couché ses deux enfants dans son lit. Elle se tenait au chevet, assise, en compagnie de Véronique et de Marie. Tante Agathe parlait de faire chauffer du vin qu'elle avait monté pour nous donner du courage à tous. Jacques et Rose, à la même fenêtre, regardaient. J'étais devant l'autre fenêtre, avec mon frère, Cyprien et Gaspard. « Montez donc » criai-je à nos deux servantes qui pataugeaient au milieu de la cour. « Ne restez pas, vous mouillez les jambes !»« Mais les bêtes » dirent-elles. « Elles ont peur, elles se tuent dans les tables. »« Non, non, montez. Tout à l'heure, nous verrons. » Le sauvetage du bétail était impossible si le désastre devait grandir. Je croyais inutile d'épouvanter nos gens. Alors, je m'efforçais de montrer une grande liberté d'esprit. Accoudé à la fenêtre, je causais, j'indiquais les progrès de l'inondation. La rivière, après s'être ruée à l'assaut du village, le possédait jusque dans ses plus étroites ruelles. Ce n'était plus une charge de vagues galopantes, mais un étouffement lent et invincible. Le creux, au fond duquel Saint-Jory est bâti, se changeait en lac. Dans notre cour, l'eau atteignit bientôt un mètre. Je la voyais monter, mais j'affirmais qu'elle restait stationnaire. J'allais même jusqu'à prétendre qu'elle baissait. « Te voilà forcé de coucher ici, mon garçon, » dis-je en me tournant vers Gaspard. « À moins que les chemins ne soient libres dans quelques heures. C'est bien possible. »